Chloé, as-tu des frères ou des sœurs? Oui, j'ai 3 sœurs, mais je n'ai pas de frères. Comment sont tes sœurs? Mathilde a 13 ans. Elle est gentille et douce. Elle adore la lecture. Emma a 8 ans. Elle est drôle, musicienne et sportive. Juliette a 5 ans. Elle est mignonne et gâtée. Est-ce que tu as des frères ou des sœurs? Oui, j'ai 2 frères, mais je n'ai pas de sœurs. Maxime a 15 ans. Il est sympa et très sportif. Arthur a 12 ans. Il est plus studieux et joue du piano.